savoir qui je suis. Laisse le temps te faire la promesse de t'écouter, je veux bien te connaître. Et mon corps chavire, je veux que tu ressembles ce plaisir si intense, si immense, qui anime un tous nos sens. Oui, j'ai pas besoin de toi, car pour moi tu es trop chaud à chaque fois que je te vois.